tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, La Commune de Paris, dernière révolution avant la République. Une série d'Anaïs Quien réalisée par Somanina. Au départ de cette série, il y a une commémoration, une histoire qu'on connaît mal et le rêve d'une vie meilleure, démocratique, collective, festive, égalitaire, autonome et républicaine. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne qui déroule, un historien du peuple, deux autres qui politisent, une historienne des idées, une autre qui détricote et Jean-Jacques Rousseau. Ensuite, le décor. Des négociations, des armes, le peuple de Paris, la colonne Vendôme, des bombardements, des clubs de femmes, la joie, le printemps, la garde nationale et des extraits du documentaire génial de Peter Watkins, Comme si on y était. Aujourd'hui, deuxième épisode, c'est la fête. Citoyens, citoyennes, bonjour. Bonjour. C'est une journée magnifique ici à Paris. La grande place devant l'hôtel de ville est maintenant noire de monde. Les Parisiens, toutes classes confondues, sont venus assister à l'installation de la Commune à l'hôtel de ville. Vive la Commune! Vive la Commune! La Commune de Paris, dernière révolution avant la République. Pour que la vie soit belle. Anaïs Quien, Somanina. La Commune de Paris n'est pas une révolution contre, mais le début d'une longue discussion. La République, d'accord, mais laquelle et comment ? La République officielle s'installe à Versailles, dans la ville des rois disparus, un symbole inquiétant pour ceux qui attendent tant de ce nouveau régime politique. Alors que l'on convoque des révolutions du passé qui font modèle, celle de 89, celle de 1830 et celle de 1848, le risque de se voir confisquer encore une fois les bénéfices de la démocratie paraît insupportable à ceux qui veulent enfin voir la vie changer. T'as vu ? La République et la sociale enfin réunies, regarde les drapeaux. C'est magnifique. Oh, quelle belle journée, je suis heureux, tu sais. Qu'est-ce qui va changer pour vous, monsieur ? Tout va changer, j'avais jamais osé l'espérer. Tout va changer. Une fois Paris abandonné aux insurgés, tout devait changer, mais comment se vit une révolution ? Dans un océan de doutes et d'incertitudes, mais aussi dans la jouissance de la transgression et de tenir entre ses mains, peut-être, la suite de l'histoire. Deux républiques coexistent désormais. Celle de l'Assemblée nationale, réfugiée à Versailles, qui n'est plus le siège de la monarchie, mais celui de la Nouvelle République, et celle de la Commune de Paris, à l'intérieur des murs de la ville, qui vient d'élire ses représentants. Ils n'auront que 72 jours pour esquisser leur société idéale, la bonne république, la sociale. Celle qui rend la vie plus belle, et pas seulement pour quelques-uns. Mais en attendant, comment s'organise une révolution ? Tout à coup quand même, le 17 mars, on n'a aucun pouvoir, et le 18 mars, on les a tous. Ludivine Bantigny. Et voilà, ce ne sont pas des hommes politiques au sens où on l'entend. Ils sont serruriers, ils sont cordonniers, ils sont ouvriers maçons, voilà, elles sont couturières. Okay. Et là, tout à coup, c'est le vertige de la responsabilité terrible qui passe sur leurs épaules, encore une fois, dans un contexte où il y a les Allemands, les troupes allemandes qui encerclent Paris, et c'est toujours le siège, il y a les canons versaillais. Donc, c'est assez fabuleux quand même comme situation. Le résultat des élections, il y a eu 80 élus, seulement 12 sièges restent à pourvoir. 13 élus du comité central de la garde nationale, 4 radicaux, 15 membres du parti des maires, 9 blanquistes, 4 néo-jacobins et 11 socialistes indépendants. Et maintenant quelques extraits de la presse, dont une citation du père Duchesne. Avec la commune, les beaux bougres de prolétaires pourront enfin réclamer leurs droits, recueillir le fruit intégral de leur travail. Et pour le cri du peuple, la proclamation de la commune console de 20 ans d'empire, 6 mois de défaite et de trahison. Ils installent vraiment leur pouvoir. Jean-Louis Robert. Mais en même temps, effectivement, ils négocient avec les maires républicains, qui étaient des républicains comme Clémenceau, qui étaient bien tout à fait sincères, donc qui étaient des républicains même assez marqués à gauche, mais pas révolutionnaires, qui voulaient pas qu'on, contester le pouvoir de Versailles. Ils négocient avec eux et ils réussissent d'ailleurs à les entraîner parce qu'effectivement, la majorité des Parisiens étaient attachés à élire une municipalité. Et donc, ils obtiennent que ces maires républicains, qui n'étaient pas nécessairement partisans de la commune, participent à l'organisation de l'élection du 26 mars. C'est-à-dire que la garde nationale et ce nouvel appareil révolutionnaire qui a pris le pouvoir à Paris organise extrêmement vite, dès le 26 mars, des élections municipales. Voilà. Alors, en plus, c'était des gens qui, effectivement, ils veulent pas le garder, le pouvoir, mais c'est pas, ils veulent surtout pas le garder au niveau personnel. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du pouvoir, eux. Il y a un article de Jules Vallès dans Le Cri du Peuple qui est très très intéressant. Oui, d'ailleurs, parce que pour dire qui sont ces gens du comité central, le lendemain du 18 mars, les Parisiens, qui sont des badauds comme de tout temps, ils vont à l'hôtel de ville. Alors, c'est sarné de barricades, mais enfin, en même temps, c'est une belle anarchie. Et on peut aller jusqu'à la porte de l'hôtel de ville. Et alors, sur la porte de l'hôtel de ville, il y a une affiche où on lit les membres du comité central. Monsieur, machin. Alors, ce que écrit Jules Vallès, c'est que les gens lisent les noms. Et mais personne ne les connaît. Et si, ils sont quand même connus dans leur bataillon, dans leur quartier. C'est ça, la Commune de Paris. C'est tout d'un coup l'arrivée de ce qu'on pourrait appeler le peuple, c'est-à-dire des inconnus. Voilà, c'est qui ? Il y a beaucoup de flou, d'incertitude, de complexité, puisque... Michel Vinocq. L'insurrection de la Commune n'a pas été préparée. Elle n'a pas été voulue, même. La preuve est que pendant toute la journée du 18 mars, les Parisiens se demandent, mais qui a le pouvoir ? Au début, il y a une forme de... pas d'attentisme, mais ils se retrouvent à gérer eux-mêmes leur ville. Éric Fournier. Il y a un bouleversement des relations sociales, assez net. Soudain, le propriétaire n'est plus tout puissant. Celles et ceux qui n'avaient pourtant aucune expérience politique, voire peut-être aucun horizon politique fort, se retrouvent tout d'un coup à faire leur les codes et les pratiques et les sociabilités de la République démocratique et sociale, c'est-à-dire la République rouge, celle de 1793, de juin 48 et maintenant de la Commune. Soudain, dans la rue, on s'appelle citoyen et citoyenne, et plus madame et monsieur. Donc ce sont des petites choses, mais qui comptent malgré tout. Par ailleurs, avant le début de la guerre civile, il y a tout de même un sentiment que l'on peut respirer. L'approvisionnement est rétabli, c'est-à-dire les Prussiens qui occupent le nord et l'est de la région parisienne laissent passer les vivres. Et... on se retrouve à prendre possession de la ville, mais surtout de son quartier. Oui, bonjour, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de préparer, là ? Je pense qu'on va aller à Versailles et qu'il est temps qu'on y aille, parce que ça fait 10 jours qu'on attend ça. Et moi, je vais vous dire, les gars du comité central, c'est des incompétents, parce qu'ils ont laissé les gars de s'organiser à Versailles. Voilà. Je partage tout à fait l'avis de mon compagnon citoyen, et nous partons avec des moyens. Regardez, j'ai pratiquement pas d'armement sur moi, très peu de munitions, sans nourriture. Le comité central n'a pas conscience de ces problèmes. Mais moi, je crois, citoyen, que là, on est parti pour aller fraterniser avec nos camarades de Versailles qui sont encore dans l'ignorance du grand élan populaire qu'il y a là sur Paris. Oui, il y a une tentative de conciliation, de négociation au tout début. Puisque effectivement, il y a une espèce de république informelle, informe même, c'est-à-dire Versailles. Le nom même est oxymorique, hein, république à Versailles. Il y a quelques républicains d'ordre, ce qu'on appellera plus tard les opportunistes, Jules Ferry, Jules Simon, Gambetta, même si Gambetta est un peu en retrait à ce moment-là. Il y a donc quelques bonapartistes qui survivent et beaucoup de monarchistes, orléanistes libéraux, légitimistes réactionnaires. Qui peuplent cette assemblée républicaine. Voilà, qui peuplent cette assemblée républicaine. Du coup, c'est vraiment un régime assez, assez étrange, cette république, ce gouvernement de Versailles. Il y a en province d'importantes forces républicaines dans les villes de province, mais une république un peu plus modérée que la république sociale, et ça c'est important, parce que Maurice Agulon disait que la république au XIXe siècle c'était un mot magique, ou espérait-elle, sont ses propos. C'est-à-dire on a peine à imaginer la force des promesses que porte l'avènement supposé de la république. Alors, surtout aujourd'hui, vu l'usage du mot république, c'est peut-être un peu difficile à imaginer, mais à la fin du XIXe siècle, c'est une telle espérance que lorsqu'elle est proclamée, les républicains, notamment en province, aussi avancés soient-ils, veulent garder ce régime. C'est-à-dire, la République est là, c'est bon, l'essentiel est fait. Ce qui les met en porte-à-faux par rapport à la République sociale, qui est peut-être leur limite, qui est la République parisienne. Du côté des Parisiens, se passe quelque chose de très intéressant. Pour la première fois de l'histoire des révolutions du XIXe siècle, les Parisiens ne considèrent pas comme évident ou automatique de gouverner au nom de la France entière parce qu'une révolution a été faite à Paris. Donc cette idée d'autogouvernement, de république sociale où les citoyens se gouvernent eux-mêmes dans leur espace, cette idée d'autogouvernement fait que les Parisiens finalement invitent le reste de la France à les rejoindre. Mais si on les laisse dans leur autonomie communale, on peut avoir un véritable terrain de négociation. Et au tout début, on trouve chez des Versaillais modérés un certain écho à cette possibilité, c'est-à-dire « Ah, mais après tout, l'autonomie communale, ça peut nous renvoyer aussi au temps du Moyen-Âge, où les villes étaient autonomes, on pourrait peut-être envisager cette possibilité. » Mais le problème, c'est que à Paris, c'est définitivement une république sociale, qui renvoie donc au souvenir de 1793, ce qui tend immédiatement les relations et les marges de négociation possibles avec l'armée de Versailles, surtout que tout le monde est en armes, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure solution pour négocier calmement. Mais ça fait une semaine qu'on leur monte la tête contre nous, ils nous prennent pour des barbares à anéantir. Mais vous êtes folles. Mais si on y va, c'est armé à Versailles. Mais bien sûr. Ne confondez pas qui est notre ennemi, ce n'est quand même pas le peuple qui est en face de nous, c'est nous les tiers. Ce peuple de Paris, il a un petit sentiment de supériorité qui n'est pas inexistant, que c'est Paris qui a déclenché les révolutions. Que ce soit le 14 juillet 89, le 4 septembre 1870, et puis la province suit. Avec l'idée que c'est cette province qui continue à voter pour la monarchie. Ouais, et les campagnes surtout les campagnes, hein, surtout les ruraux. D'ailleurs, ils vont appeler l'Assemblée de Versailles l'Assemblée des ruraux. Et ils se moquent un peu de ces ruraux en disant que bon, Paris, c'est la civilisation, Paris, c'est là que se fait le progrès. Paris est grand, héroïque, mais il est fou. Il compte sans la province qui le domine par le nombre et qui est réactionnaire en masse compacte. Tu m'écris, dites bien à la province que nous haïssons le gouvernement. Comme vous êtes ignorants de la province. Elle fait un effort immense pour accepter Thiers, Favre, Picard, Jules Simon, tous trop avancés pour elle. Sachez donc, vous autres, que les républicains avancés sont dans la proportion de 1% sur la surface du pays entier et que vous ne sauverez la République qu'en montrant beaucoup de patience et en tâchant de ramener les excessifs. Vous voilà dépassés par un parti qui voit encore moins clair et qui croit dominer au moins Paris. Pauvre peuple, il commettra des excès, des crimes, mais quelles vengeances vont l'écraser ? George Sand. C'est clairement Versailles qui refuse toute forme de négociation, c'est-à-dire que ce soit d'autres élections, une reconnaissance des élections parisiennes ou même l'autonomie communale. C'est-à-dire que ces possibilités sont refusées par Versailles. Qui prend l'initiative des hostilités par un bombardement le 2 avril ? Et ensuite, l'enchaînement de la guerre civile fait qu'on ne peut plus vraiment s'arrêter. Mais c'est Versailles, oui, qui prend l'initiative de l'affrontement. La Commune de Paris, considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l'humanité comme ceux de la guerre, décrète, article 5, toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur le champ, suivi de l'exécution d'un nombre triple d'otages. Enfin, nous, a posteriori, on voit la guerre civile, mais au début, eux, ils ne sont pas du tout dans la guerre civile, ils veulent surtout pas de guerre, ils veulent la paix. C'est pour ça qu'ils vont finir par abattre la colonne Vendôme, parce que pour eux, c'est le symbole de la guerre. Gustave Courbet s'exprime dans les colonnes du bulletin officiel de la municipalité de Paris. Attendu que la colonne Vendôme est un monument dénué de toute valeur artistique, tendant à perpétuer par son expression les idées de guerre et de conquête qui étaient dans la dynastie impériale, mais que réprouve le sentiment d'une nation républicaine, le citoyen Courbet émet le vœu que le gouvernement de la Défense nationale veuille bien l'autoriser à déboulonner cette colonne. Ah, la colonne Vendôme. La colonne Vendôme, c'est une colonne donc située place Vendôme, fondue avec le bronze des canons pris à l'ennemi par Napoléon Ier, Austerlitz de mémoire, et qui symbolise donc le culte napoléonien. Lors de la Commune de Paris, cette colonne devient assez rapidement assez insupportable, même si elle est située dans un quartier où les communards vont rarement, place Vendôme. Mais la justification principale, c'est que c'est pour condamner le militarisme et la fausse gloire, c'est-à-dire la brutalité militaire, l'arrogance des officiers, ces vertus guerrières déplorables qui sont en train de bombarder Paris, sont insupportables. Et ils estiment aussi que c'est une insulte à la fraternité entre les peuples. Ce qui est assez fort, puisque cette colonne Vendôme a quand même été faite pour commémorer des victoires contre l'Allemagne, qui vient d'infliger une sévère défaite à l'ensemble du pays. Et donc la démolition de la colonne Vendôme est considérée comme un acte de justice internationale pour rétablir la fraternité entre les peuples et humilier l'arrogance militariste. Et c'est en partie cette question de la violence des combats qui guide le deuxième iconoclasme monumental, qui est la destruction de l'hôtel particulier d'Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, qui est donc l'un des hommes politiques les plus actifs du XIXe siècle, qui est à peu près retrouvé dans une position centrale comme au gouvernement ou comme opposant de tous les régimes. Adolphe Thiers, c'est l'orléaniste libéral, donc le monarchiste parlementaire modéré, mais un homme d'ordre, assurément, qui se retrouve, du fait de son expérience politique très importante, à la tête de l'Assemblée de Versailles, ce qui fait de lui un homme de consensus entre les différentes tendances, c'est-à-dire les royalistes peuvent s'accommoder d'Adolphe Thiers, c'est un homme d'ordre, les républicains savent que finalement c'est un libéral et un politicien expérimenté, bon, il fera l'affaire. Et la Commune décide de punir Adolphe Thiers parce que, par ces bombardements qui détruisent donc des quartiers entiers, il a mis des familles entières à la rue. Et donc celui que la presse communarde appelle le bombardeur doit payer pour ça. Et donc ben, si 6 tiers détruit des maisons, la commune détruira sa maison. Citoyens, citoyennes, nous, les membres élus du comité central de la garde nationale, désormais élus de la commune par la volonté du peuple de Paris ici présent, remettons au nom du comité central entre les mains du conseil de la commune le pouvoir que les événements nous avaient confié. Que signifie ce terme de commune ? Qu'est-ce que cela veut dire en matière de forme de gouvernement, d'organisation du gouvernement et du pouvoir politique, Michel Vinocq ? Il est difficile de répondre à la question parce que tous les membres de la commune, et en particulier ceux qui siègent au conseil de la commune, qui forment le gouvernement de la commune, n'ont pas tous les mêmes idées. Mais il y a tout de même une tendance très forte dans la population, chez les militants, chez les fédérés, et même au sein du Conseil de la Commune, ça existe, c'est l'idée de la démocratie directe. Ça, c'est une notion très très forte qui est au cœur du mouvement communaliste ou communard. Ça veut dire que le pouvoir doit être le plus possible proche du citoyen. Et l'inverse. Qu'est-ce que c'est la commune, sinon entreprendre de penser à autre chose que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Mais entreprendre de penser radicalement autre chose. Débattre de ça et faire en sorte que ça change, et réinterroger tout, le profit, l'éducation, tout ça. Voilà, ça pour moi, je vois pas d'autre moyen de révolutionnaire que ça. Travail pour tous, éducation pour tous, défense nationale pour tous, confiance inébranlable dans les destinées de notre race. Tel était le mot d'ordre qui surgissait à ce moment, spontanément, du cœur de Paris exsangue, et qui s'incarnait à ses yeux dans la République. Pascal Grousset. Et quel est le programme de cette commune de Paris qui commence le 18 mars 1871 ? Il n'y a pas de programme précis. Laure Godineau. Par contre, il y a un projet, il y a des idéaux qui sont les idéaux de la République de la République sociale, de la République démocratique et sociale que les communards revendiquent comme l'héritière de 1848. Donc république démocratique parce que représentant le peuple dans une démocratie et sociale puisqu'il y a aussi un idéal social et un projet social. La Commune de Paris prend aussi des décisions très rapides pour soulager finalement le poids qui se faisait sur les épaules de ce peuple artisan, ouvrier parisien, en annulant ou en suspendant, en tout cas au moins partiellement, les dettes et les charges, tous les impayés accumulés pendant la guerre, pendant le siège de Paris, tous les loyers impayés et tous les objets qu'on avait mis au clou aussi en attendant de pouvoir revenir les chercher lorsque les temps deviendraient meilleurs. Oui, tout à fait. Ça, c'était d'ailleurs une des provocations du gouvernement d'Adolphe Thiers. Et l'une des premières mesures de la Commune, effectivement, est de poursuivre ce gel des remboursements, ce gel des loyers, les exigences du monde piété, des choses comme ça. Ensuite, il y a des mesures qui concernent le travail au sens de ce rapport d'exploitation. Par exemple, une des premières mesures qui est prise, c'est l'abolition du travail de nuit des ouvriers boulangers. Au nom du fait qu'au fond, il n'y a aucune raison qu'ils soient privés de la lumière du jour, en fait, qu'ils soient comme ça assignés à travailler chaque nuit. Il n'y a pas de congé payé. Hein. Donc voilà, c'est vraiment toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. La question se pose quand même de manière absolument majeure sous la commune de faire cesser le rapport d'exploitation lié au capital, à l'extorsion du profit. Voilà, il faut quand même se rappeler qu'à cette époque, le proudhonisme, Proudhon est mort en 1865, mais le proudhonisme est vraiment un courant très très vivant, surtout en France, dans ce milieu-là, dans ce milieu engagé, qui se revendique du socialisme, au sens d'une socialisation des moyens de production. Ici, c'est une coopérative, et avec la commune, ça va réussir. Je l'établis chez Outils, l'atelier même, tout sera à nous. Et puis, sera l'égalité. Ouais, on somme 30. Si on gagne 300 sous, ben, sera 10 sous sur chacun. Hein, les gars ? La classe ouvrière parisienne et l'économie parisienne, c'est la toute petite entreprise qui domine. Hein, le nombre d'ouvriers par entreprise en moyenne à Paris, ça doit être de l'ordre de 2-3. Donc, c'est l'artisan ou l'ouvrier au sens du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours s'il est ouvrier ou patron. L'exemple le plus significatif, pour prendre un grand communard, Eugène Potier, l'auteur des paroles de l'International, hein, chansonnier à 16 heures, comme l'étaient beaucoup de ses ouvriers du 19e siècle, il est dessinateur sur étoffe. Voilà, un métier typiquement de ces ouvriers très qualifiés parisiens. Quand on examine sa vie, il est par moments ouvrier, mais en 1870, il a au sentier, parce que son petit atelier est au sentier, il est patron. Mais il se pense totalement comme ouvrier. Et le proudhonisme répond, est partiellement en adéquation avec cette structuration, parce que le proudhonisme rêve d'une société de petits producteurs égalitaires. Donc l'idée, c'est que selon les mots de l'époque, l'association, c'est la république dans l'atelier. C'est-à-dire, les travailleurs s'organisent eux-mêmes pour produire ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est au niveau du tissu économique. Donc le projet politique intervient jusque dans l'organisation très concrète du travail. Ouais, très concrète. Enfin, pour là où on peut travailler, mais très concrète du travail. Alors, il a été beaucoup dit que la commune avait fait un décret de réquisition des ateliers abandonnés, ce qui, alors pour le coup, apparaît comme très proto-communiste, expropriation des moyens de production, etc. C'est vrai, mais c'était subordonné à l'effort de guerre. Il fallait que ce soit des ateliers abandonnés par des gens qui avaient fui la capitale et dont la production pouvait servir essentiellement à l'effort de guerre. Donc, il n'y avait pas de... Ils auront quand même globalement respecté la propriété, les communards. Dans un tissu économique composé de petits artisans qui finalement souvent possèdent leur atelier, leur capital, l'idée c'est surtout de se séparer des intermédiaires, des oisifs, les négociants, les grossistes, les propriétaires qui exigent le loyer. Ça c'est important. Mais sinon s'organiser soi-même au niveau du travail, ça se fait assez vite évidemment pour eux. Ça compte. Et donc la propriété privée n'est pas contradictoire non. avec ces activités. Ah non, au contraire. Cette idée d'autonomie de l'atelier s'accorde parfaitement avec la possession de ses moyens de production et des murs du commerce ou de l'atelier. Ça, non, ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Quand Proudhon disait la propriété, c'est le vol, il pensait surtout à la propriété rentière qui s'enrichit en dormant. La propriété du petit producteur, non, ça c'était pas du tout dans leurs horizons. Les Proudhoniens, on le sait, étaient plutôt macho, sexiste. Fameuse phrase de Proudhon, hein, entre la courtisane et la ménagère, il n'y a pas de juste milieu. Mathilde Larère. Et Proudhon et les Proudhoniens étaient très opposés à ce que la femme ait une place dans le mouvement social, dans le mouvement ouvrier, dans l'international. Mais moi j'en ai des besoins, mais j'attends une reconnaissance de toutes les femmes là, du quartier du 11e. Car c'est grâce à nous qu'on n'a pas pris les canons, et c'est grâce à nous que les lignards n'ont pas tiré. Alors s'il vous plaît, que le comité central nous reconnaisse et qu'on fasse partie de cette nouvelle assemblée. Car on est la révolution vive. Il y a quelque chose peut-être qui change la donne sur l'histoire féminine de la Commune de Paris, c'est qu'à aucun moment elles n'attendent d'être autorisées ou qu'on leur fasse une place dans ce mouvement-là, puisque dès le départ elles sont à l'initiative des actions, y compris des actions de défense, et dans ce souffle révolutionnaire qui va tenir Paris pendant plusieurs mois. Oui, alors c'est pas par ailleurs propre à la Commune, hein, c'est propre à tous les moments révolutionnaires de notre histoire. En 1789 aussi, elles jouent un rôle majeur. Elles sont d'ailleurs à l'initiative des journées qui vont ramener le roi à Paris les 5 et 6 octobre 1789. En 1830, elles jouent un rôle aussi. En 1848, autour de Jeanne de Rouen, Désiré Gay, Eugénie Diboyer, très vite elles s'organisent. Et d'ailleurs, en ce que l'on dirait maintenant en non-mixité, à l'époque, le terme n'existait pas, mais la voix des femmes et les clubs des femmes ne concernent que des femmes. La voix des femmes, c'est un journal. Donc en fait, au moment de la Commune, elle renoue finalement avec ce qui est, depuis le début de l'histoire révolutionnaire, la forme d'organisation, de mobilisation et de participation des femmes à la Révolution. Ce qui peut surprendre, c'est qu'on ne voit pas apparaître la question de la revendication d'un droit de vote des femmes pendant la Commune de Paris. Les femmes, même sous la Révolution française, et ça se retrouve en 30 et en 48, la revendication du droit de vote, c'est pas leur première revendication. C'est pas leur première revendication parce que la citoyenneté est peut-être moins intensément vécue par le vote qu'elle ne peut l'être maintenant. Plus que le droit de vote, c'est le droit de porter des armes, hein, le droit notamment de participer à la guerre nationale. Et la plupart de ces femmes se sont armées et ont participé au combat de la Commune. Voire avant, hein, Louise Michel, lors d'une manifestation en janvier 1870, arbore, a-t-on dit, un uniforme de garde nationale. On retrouve les deux, voilà. Donc c'est pas leur revendication première, et ça l'est d'autant moins après le consulat que Napoléon a donc, dans le code civil napoléonien, privé la femme de tout droit civil, de toute capacité civile, et que pendant tout le 19e siècle, l'un des combats majeurs que mènent les femmes, c'est de retrouver la capacité civile qui leur a été retirée, et que par ailleurs, ces femmes de la Commune, ben voilà, elles se battent d'abord et avant tout pour les droits des travailleurs et les droits des travailleuses et les droits des travailleurs et des travailleuses à égalité. Quelque part, elles se disent, ok, ça fait partie des trucs, elles ne disent pas qu'il ne faut pas avoir le droit de vote, évidemment, mais pour elles, ce n'est pas la priorité. Le 19e siècle, c'est un peu le siècle du bon père de famille décrit par Napoléon, c'est-à-dire un précaré de la sphère privée où même l'État, finalement, n'aurait pas tout à fait le droit d'aller lever le voile pour voir ce qui s'y passe pendant la commune, ce qui se passe dans les maisons, ce qui se passe dans les foyers, ce qui se passe dans les couples, est déjà abordé. En fait, c'est pas forcément une intrusion dans le privé, mais quelque chose de très important pour les femmes, en l'occurrence, en termes de rapport de famille, c'est qu'on va reconnaître, en particulier les femmes qui ne sont pas mariées, hein, qui vivent en concubinage, on va leur reconnaître les mêmes droits que les femmes mariées. Ça, c'est évidemment très important dans un contexte de guerre civile où il y a beaucoup de morts et donc beaucoup d'hommes qui tombent morts dans les combats contre les Versaillais, contre l'armée versaillaise, parce que ces femmes, elles se retrouvent en fait dans une situation de veuvage non officielle, non institutionnelle, et la commune a justement parmi ses priorités de leur accorder des droits. Et c'est pas du tout évident, parce qu'il faut pouvoir prouver, enfin voilà, il faut pouvoir, voilà, dans une situation, encore une fois, de pénurie, il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup d'ouvrières dans tout Paris qui sont en train de se mobiliser parce qu'elles sont prêtes à se battre et à ce que les choses changent définitivement. Des fusils, un pantalon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut que ça soit l'occasion de diversifier nos tâches, c'est-à-dire qu'on cesse avec un travail qui est, on répète constamment le même geste du matin au soir. Qu'on puisse gagner des salaires décents, des salaires égaux à ceux des hommes, et qu'on puisse effectivement pouvoir jouir d'un temps de repos, d'un temps où on puisse s'instruire, où on puisse éduquer nos enfants. Voilà. Pour l'esprit de la Commune de Paris, la question de l'éducation et de l'émancipation par l'éducation est tout à fait majeure. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions sur la façon dont on va pouvoir aussi se déployer dans cette émancipation grâce à l'école qui doit devenir gratuite, qui doit devenir laïque. Des écoles qui ouvrent. Il y a quand même cette volonté de laïciser l'espace public. Par exemple, dans les hôpitaux, bon, voilà, on essaie d'enlever les crucifix, les statues de vierges, etc., et de remplacer parfois même les noms des saints par des noms, par exemple, de solidarité, voilà, d'égalité, ou alors des personnages historiques révolutionnaires. Donc, un très fort anticléricalisme. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Ah, chez les communards, oui. Alors, l'anticléricalisme, c'est intéressant, c'est le plus petit dénominateur commun, non seulement révolutionnaire, mais en fait à l'ensemble des forces de gauche. Et si vous êtes anticlérical, c'est bon, vous pouvez vous dire de gauche. C'est un marqueur, finalement, assez net. Les églises deviennent des lieux de partage, en fait, de ces espaces. D'un côté, bien souvent, les offices, les messes se poursuivent. Et de l'autre, il y a des clubs populaires qui se réunissent dans ces églises parce qu'il y a une très forte effervescence politique et une ébullition de la parole sous la commune. Donc ça fait aussi partie du projet, finalement, c'est avoir cette démocratie, en fait, cette démocratie à l'œuvre où les gens prennent le temps de se retrouver, de se rassembler, de se parler, de proposer des projets. Et ça, c'est quelque chose aussi de très foisonnant qui est au cœur de la commune parce que c'est précisément un retour à une démocratie vraie. Que venez-vous faire ici ? Nous sommes les femmes de l'UDF, nous sommes les représentantes de l'Union des femmes. Oui, l'Union des femmes, oui. Et nous venons nous procurer une salle qui a dû être attribuée par la commission exécutive. Écoutez, pour l'instant, vous n'êtes pas les premiers à arriver. Je vais vous demander de vous asseoir sur le banc en attendant. Enfin, là, c'est assez urgent. Moyen, c'est urgent. C'est assez urgent. Hein. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a des femmes. Vous verrez bien. Veuillez vous asseoir. Il y a d'ailleurs quelque chose qui change dans les rituels de rassemblement, de prise de parole, de manière d'être ensemble et d'être ensemble politiquement. C'est l'abandon des banquets, qu'on pourrait trouver un peu curieux, cet abandon des banquets, parce que c'était une des grandes traditions républicaines depuis 1848, justement. Oui, les banquets, c'était des lieux qui étaient des lieux très politiques parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être politiques. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit, sous la monarchie de Juillet, d'organiser des rassemblements politiques. Donc, on faisait mine d'organiser des grands repas festoyants, etc., mais qui étaient en réalité, des banquets républicains. En fait, sous la Commune, s'il n'y a pas de banquet véritablement, il y a des moments de fête, quoi. Vraiment... c'est vrai que, par exemple, le philosophe Henri Lefebvre a beaucoup parlé de cette question de la fête de la Commune. Toute la Commune est loin d'avoir été une fête, bien sûr, parce qu'encore une fois, il faut se rappeler qu'on est en permanence sous le coup des canons venus de Versailles. Hein. Il y a des correspondances d'un commerçant qui ont été conservées, qu'on peut trouver aux archives de la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et donc, il écrit à son fils... Et quelque chose m'a vraiment marqué, en tout cas dans cette correspondance, c'est à quel point il dit que les nuits sont envahies par le son du canon. Donc on ne peut pas dire que la Commune ait été une fête, parce que très rapidement, dès début avril, il y a cette menace militaire, et comme vous l'avez souligné, c'est la guerre civile. Mais en même temps, il y a des moments de rassemblement joyeux. Bon, il y a la proclamation elle-même de la Commune. Il y a des événements comme le fait de brûler une guillotine, hein, symboliquement, pour dire « nous, on ne veut pas renouer avec la peine de mort politique, on veut faire le contraire, même si on s'inspire aussi de la Révolution française ». Il y a ce moment aussi de renversement de la colonne Vendôme. Ça aussi, c'est un moment de fête. Et jusqu'à la veille de la Semaine sanglante, hein, le dimanche qui précède le début de la Semaine sanglante, ben, le jour même d'ailleurs, le dimanche 20 mars, où les troupes versaillaises entrent véritablement dans Paris, il y a un grand concert aux Tuileries, pas très cher, mais voilà, c'est en faveur aussi des veuves de guerre, des orphelins. Et donc, voilà, la question de la musique, la question de l'art, la question de la culture sont des enjeux aussi tout à fait importants. On sait qu'il y a une fédération des artistes sous l'impulsion, entre autres, de Courbet. On y retrouve aussi le sculpteur Dalou, par exemple, celui qui fera la statue de la République aujourd'hui sur la place de la République. On trouve quelqu'un comme Nadar, par exemple, qui a plein de projets pour la Commune, qui a des projets d'ailleurs de ballons, de montgolfières pour aider la Commune, etc. Enfin, c'est pétri vraiment d'émotions intenses. Et beaucoup disent que rien que pour avoir vécu ça, ce sentiment quand même d'une libération et d'une émancipation, ça valait la peine. Le dimanche 21 mai, à 2h de l'après-midi, plus de 8000 personnes assistaient au concert donné dans le jardin des Tuileries au profit des veuves et des orphelins de la Commune. Ce concert annoncé depuis plusieurs jours devait avoir lieu place de la Concorde. Mais le samedi soir, on avait jugé prudent de ne pas exposer l'auditoire aux obus versaillais qui dépassaient de beaucoup le rond-point des Champs-Élysées. Les femmes en grande toilette remplissaient les allées. Le ciel était radieux. Au-dessus de l'Arc de Triomphe voltigeaient les panaches de fumée des boîtes à mitraille. Les obus faisaient rage à moins de 500 mètres sans que le public tout entier, à l'excellente musique de la Garde nationale, daignât le moins du monde s'en émouvoir. Il y a quelque chose de frappant dans les témoignages qui sont très nombreux, des communeux, des communeuses, des communards, des communardes. C'est cette notion de toucher du doigt le bonheur, Éric Fournier. Oui, alors c'est d'autant plus frappant que, rappelons-le, c'est l'année terrible. C'est la guerre civile, bon, qui se déroule surtout aux portes de Paris, au sud et à l'ouest. Donc c'est un peu loin des quartiers où vivent finalement la plupart des communards. Mais cette idée de bonheur, de brèche révolutionnaire et festive est effectivement assez impressionnante. Alors, on a beaucoup parlé des concerts aux Tuileries. Les Tuileries, donc, qui étaient le palais où régnait Napoléon III, donc c'était le siège du pouvoir. Ensuite, ce palais est approprié par les communards, d'abord pour des éléments plutôt festifs, des concerts, et puis à la fin est approprié une dernière fois par son incendie. C'est-à-dire, si Paris n'appartient plus à la Commune, les Tuileries n'existeront plus non plus. Bon, oui, c'est-à-dire, les Tuileries devenaient en gros une espèce de maison du peuple, où de temps en temps, la commune donnait des concerts avec des illuminations et des lampions dans les jardins des Tuileries. On avait des airs patriotiques, des airs révolutionnaires, des airs d'opérette. Bon, c'était festif, des communards y venaient. Mais ce qui est frappant, effectivement, c'est ce sentiment d'un temps nouveau, tout à fait surprenant. Et alors, par exemple, Courbet, le peintre, Courbet écrit une lettre à ses parents. Bon, il commence à se plaindre un peu. Voilà. Je n'ai pas une minute à moi, on fait plein de choses, j'arrive même plus à dormir la nuit, je suis épuisé, mais croyez-moi, je le cite, Paris est un vrai paradis. Ce qui est vraiment d'autant plus étonnant que, j'insiste, on est en guerre. Paris est un vrai paradis, d'abord parce que l'approvisionnement tout de même est rétabli. Les Prussiens laissent passer les vivres, bon, ça compte. Le printemps est assez beau, ça compte aussi. Et aussi parce que tout d'un coup, les contraintes étatiques et sociales cessent. Deux exemples intéressants. Un caporal de la garde nationale peut venir en aide à une jeune fille de son immeuble parce que le propriétaire lui réclame des impayés de loyer. Et lui, il débarque avec son escouade de gardes nationaux chez le propriétaire pour lui expliquer que le loyer attendra. Donc là, les rapports de domination sont totalement inversés. Ou un autre exemple, un jeune, c'est la partie, comment dire, un peu mélo, mais un jeune orphelin de 14 ans décide qu'il va vendre des fleurs dans la rue. Il est très content parce qu'il n'a plus à demander de licence à qui que ce soit pour pouvoir vendre ses fleurs dans la rue. Ici. Ça fait trois jours, je vous donne estafette sur estafette pour avoir du renfort et rien. Alors qu'est-ce que vous faites hein? Écoutez, capitaine, des estafettes, on en reçoit 50 à 60 par jour. Là, on n'a pas le temps de répondre à tout, vous attendez un petit peu, c'est tout. Enfin, je veux dire que moi, les hommes sont démobilisés. Oui, on est tout seul, on est isolés. Vous n'allez pas prendre leurs ordres à la mairie. Je vous rappelle que c'est sans notre accord qu'ils vont prendre des ordres. C'est ici qu'on prend les ordres. Absolument. Les affaires militaires, c'est nous. C'est vous, l'état-major, c'est pas l'ancienne légion, ou que non. Et la démocratie directe, comment ça fonctionne au sein de l'armée, Michel Vinocq? Dans l'armée, il y a une hiérarchie et un commandement. Et on va voir que c'est un des drames, si vous voulez, de la commune, que l'aspect libertaire, si on veut, des communards, qui veulent absolument s'organiser par quartier, je dirais, chacun étant proche celui qui dirige le régiment en question, la légion, la section. Lorsque on va faire appel à un vrai militaire, un vrai officier, qui est Louis Rossel. Louis Rossel, lui, qui a choisi le camp de la commune par patriotisme, justement, parce que, dit-il, en démissionnant de l'armée, il dit choisir le camp de ceux qui ne se sont pas rendus. Rossel a été outré, indigné par l'attitude de Bazaine, qui, à Metz, fort d'une armée de 100 000 hommes, s'est rendu aux Prussiens. Et quand la commune s'est déclarée, après le 18 mars, il a envoyé sa lettre de démission, par conséquent, au ministre, au gouvernement, en disant « Je choisis le camp de ceux qui ne se sont pas rendus aux Prussiens. » Il est donc un personnage tout à fait insolite, si vous voulez, puisque la plupart des officiers, évidemment, étaient du côté de Versailles. Et il est compétent, il est intelligent, il est cultivé. Et à un moment donné, on va lui donner le poste de délégué à la guerre, c'est-à-dire ministre de la guerre. Et il ne va pas rester longtemps. Parce que lui a en vue, évidemment, une armée disciplinée hiérarchisé et il se heurte à l'esprit profondément libertaire ou l'esprit de démocratie directe des communards qui, eux, veulent s'organiser par quartier, je dirais, par arrondissement. Et il a beaucoup de mal à rassembler, à unifier une véritable armée capable de faire une sortie et il va démissionner. Retenons cette idée, n'est-ce pas, que pour une partie des communards, notamment ceux qu'on appellera la minorité, les internationalistes, eux pensaient à cela, à cette autonomie des communes, et des communes qui se fédèrent, une république par le bas. Et puis vous avez en face les jacobins, les blanquistes, qui eux ont le modèle de 92-93, c'est-à-dire le gouvernement révolutionnaire, le moment de la terreur, et de l'Écluse, qui est un de leurs leaders, pense obstinément à cette idée qu'il faut enfin appliquer la Constitution de 1793, qui était restée lettre morte, qui n'avait jamais été appliquée. Il y a quelque chose d'étonnant, Jean-Louis Robert, peut-être, dans cette histoire de la Commune de Paris. Cette histoire résiste à la notion de héros. Oui, ils sont très attachés à cette notion du collectif. Et d'ailleurs, c'est même dans l'organisation même de la Commune. Il n'y a pas de président. Quand cette assemblée se réunit, une des premières choses qu'elle va décider, c'est qu'elle ne va pas nommer de maire. Elle ne va pas nommer même un président de ce conseil municipal. Et dans les différents arrondissements où les communards s'implantent, c'est pareil. Il n'y aura pas de maire d'arrondissement. Donc c'est pas seulement une volonté personnelle, mais c'est aussi une volonté politique qui s'organise. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse justement refaire un coup d'État comme Napoléon III. Donc on va nommer un président tournant. Le président de la commune, il change tous les deux jours, le président de séance. Surtout pas un maire. Surtout pas un président. Quelqu'un qui serait le chef de la commune. Pas de chef. Que des collectifs. Que des commissions. Et la commune s'organise en 10 commissions d'une dizaine de personnes, enfin en gros. Voilà. Et qui, ces commissions, elles sont révocables. Le peuple ne peut pas abdiquer sa souveraineté. C'est un point fondamental de la commune. C'est peut-être celui qui a le plus d'écho de nos jours, où des questions de démocratie représentative se posent. Ils sont empreints du contrat social, ils sont empreints de la démonstration que certains discutent, mais qui est très brillante de Rousseau, sur l'Angleterre. Quand Rousseau écrit, il s'amuse un peu, mais quel pays le moins démocratique, et on est au XVIIIe siècle. Actuellement, quel pays le moins démocratique, écrit Rousseau ? C'est l'Angleterre. Ah ! C'est le seul pays qui a une chambre des communes qui est vraiment un peu élue, pas encore au suffrage universel, qui a un poids, qui fait les lois, que le roi est obligé de suivre sur toute une série de décisions. Pourquoi, dit Rousseau, c'est l'Angleterre le pays le moins démocratique du monde ? Parce que les Anglais sont libres un jour, le jour où ils votent. Et ensuite, pendant des années, ils sont obligés de subir la dictature de leurs élus. Or, dit Rousseau, le pouvoir souverain du peuple, c'est tout le temps. C'est pas un jour tous les quatre ans. Le peuple, il n'est pas souverain tous les quatre ans. Il doit être souverain tout le temps, le peuple. Ça, c'est l'idée fondamentale de la commune. Il faut trouver le chemin, c'est très difficile, qui fasse. Et la démocratie représentative, qu'ils ne contestent pas, puisqu'ils ont organisé des élections, ne suffit pas à la démocratie. Monsieur Thiers avait promis d'entrer hier à Paris. Monsieur Thiers n'est pas entré. Il n'entrera pas. Je vous convie pour dimanche prochain 28, ici à la même place, à notre second concert, au profit des veuves et des orphelins. À 7h, 4h30, l'avant-garde des Versaillais entrée par la porte de Saint-Cloud. Dans une situation de péril, puisque l'armée envoyée par Versailles est aux portes de Paris, c'est la canonnade pendant quasiment toute la période, donc c'est vraiment la menace d'un écrasement. Donc, Que faire face à ça? Est-ce qu'on maintient une forme de démocratie directe ou est-ce qu'on fait comme sous la Révolution française, c'est-à-dire qu'on instaure un comité de salut public avec 5 personnes qui prendraient des décisions dans l'urgence? Ça, c'est vrai que ça va véritablement les diviser. Je pense que ça n'enlève rien, encore une fois, à leur projet commun de République sociale. Mais ensuite, il y a des questions vraiment stratégiques qui sont débattues. Il faut se rappeler que c'est au cœur, encore une fois, d'un péril imminent, avec le sentiment que la menace de mort, en fait, pour soi, pour les individus et pour la commune elle-même, qui pèse comme un couvercle vraiment écrasant sur les décisions à prendre. C'est peut-être d'ailleurs une des interprétations qu'on pourrait faire de la Commune de Paris. C'est le divorce définitif entre l'idée républicaine et les moyens d'y arriver, c'est-à-dire l'insurrection populaire. Oui, même si, en fait, dans les familles républicaines, sur tout le 19e siècle, il y a toujours eu des débats internes entre ceux qui pensaient qu'il fallait y arriver par la voie insurrectionnelle et ceux qui pensaient que cette voie insurrectionnelle était peu efficace, dangereuse et pouvait même se retourner. Il y a beaucoup de débats dans les années 30 sur ces questions-là. Il y a même des débats en mars-avril 48, Raspail étant par exemple un républicain connu pour justement refuser la voie insurrectionnelle comme aventurière, comme dangereuse, quand d'autres, comme Blanqui un certain nombre d'autres, eux étaient favorables à la voie insurrectionnelle. Donc ça a toujours été des débats qui ont partagé les républicains. Et en général, d'ailleurs, après des tentatives de la voie insurrectionnelle en 1832, en 1834, en 1839, les échecs successifs de cette voie ont renforcé sur le siècle les tenants de la voie légale. Mais je pense que c'est pas seulement une opposition sur les modes d'action et les modes d'arrivée de la garde nationale, donc légale ou révolutionnaire ou illégale, c'est aussi sur ce que doit être la République. Donc c'est la vieille opposition qui se joue depuis 93 et qui se rejoue à la Commune, je dirais qu'elle se rejoue de nos jours, entre la République démocratique et sociale, la sociale avec un S majuscule, la belle, et la République libérale. Et en fait, ce qui se joue aussi pendant la Commune, c'est ça. La Commune, c'est la République démocratique et sociale, celle du drapeau rouge, celle d'une Marianne, justement, en rouge, le sein dénudé, le bonnet phrygien, et contre la République libérale, qui va finalement s'imposer, qui se refuse à la politique sociale, et qui trahit finalement les idéaux des différentes révolutions, mais les idéaux démocratiques et sociaux. You're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. C'était La Commune de Paris, pour que la vie soit belle, avec Mathilde Larère, Éric Fournier, Ludivine Bantigny, Jean-Louis Robert, Quentin Deluermoz, Laure Godineau et Michel Vinocq. Lecture, Charlotte Zotto et Philippe Saïd. Prise de son, Yann Précy et Marie Le Peintre. Mixage, Claude Niort. Coordination, Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. La Commune de Paris, pour que la vie soit belle, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Somanina.